Les premiers jours de la traversée furent atroces. Le froid était terrible dans la cellule ouverte, le sommeil dans le hamac pénible. Comme nourriture, la ration des condamnés servie dans de vieilles boîtes de conserve. J'étais gardée à vue, le jour par un surveillant, la nuit par deux surveillants, revolver aux côtés, avec défense absolue de m'adresser la parole. À partir du cinquième jour, je fus autorisée à monter une heure par jour sur le pont, gardée par deux surveillants. Après le huitième jour, la température devint plus douce, puis torride. Je me rendis compte que nous approchions de l'équateur, mais j'ignorais toujours où l'on me transportait. Après 15 jours de cette horrible traversée, nous arrivâmes le 12 mars 1895 en rade des îles du Salut. J'eus l'intuition du lieu par quelques bribes de conversations échangées entre les surveillants, parlant entre eux des postes où ils pensaient être envoyés, postes dont les noms se rapportaient à des localités de la Guyane. J'espérais que j'allais être débarqué aussitôt, mais je dus attendre près de 4 jours, sans monter sur le pont, par une chaleur torride, enfermée dans ma cellule. Rien, en effet, n'avait été préparé pour me recevoir, et on dut tout organiser à la hâte. Le 15 mars, je fus débarqué et enfermé dans une chambre du bagne de l'île Royale. Cette réclusion absolue dura environ un mois. Le 13 avril, je fus transporté à l'île du Diable, rocher inculte qui avait servi précédemment de lieu de détention pour les lépreux. Les îles du Salut se composent d'un groupe de 3 petites îles. L'île Royale, où séjourne le commandant supérieur des pénitenciers des 3 îles, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. À mon arrivée à l'île du Diable, les dispositions prises à mon égard et qui durèrent jusqu'en 1895 furent les suivantes. La case qui me fut affectée était en pierre et mesurait 4 mètres sur 4 mètres. Les fenêtres étaient grillées. La porte était à claire-voie munie d'un simple barreaudage en fer. Cette porte s'ouvrait sur un tambour de 2 mètres sur 3 mètres, accolé à la façade de la case, tambour fermé par une porte pleine en bois. Dans ce tambour séjournait le surveillant de garde. Les surveillants étaient relevés de 2 heures en 2 heures. Ils ne devaient me perdre de vue ni de jour ni de nuit. Pour l'exécution de cette dernière partie du service, la case était éclairée de nuit. Durant la nuit, la porte du tambour était fermée extérieurement et intérieurement, de telle sorte que toutes les 2 heures, pour la relève du surveillant de garde, il se faisait un bruit infernal de clés et de ferrailles. 5 surveillants et 1 surveillant-chef furent chargés de l'exécution du service et de ma garde. Je n'avais la faculté de circuler durant le jour que dans la partie de l'île comprise entre le débarcadère et le petit vallon où se trouvait l'ancien campement des lépreux, soit sur un espace de 200 mètres environ, complètement découvert. Et défense absolue m'était faite de franchir cette limite, sous peine d'être renfermée dans ma case. Dès que je sortais, j'étais accompagnée par le surveillant de garde, qui ne devait pas perdre de vue un seul de mes gestes. Le surveillant de garde était armé du revolver. Plus tard, on y ajouta le fusil et une ceinture garnie de cartouches. Il m'était formellement interdit d'adresser la parole à qui que ce fût. La ration au début fut celle du soldat aux colonies, sans levain. Je devais faire la cuisine moi-même, faire d'ailleurs tout moi-même. Les pages qui suivent sont la reproduction intégrale du journal que j'écrivis depuis le mois d'avril 1894 jusqu'à l'automne 1896 et qui était destiné à ma femme. Ce journal fut saisi avec tous mes papiers en 1896. Je ne pus l'obtenir qu'à l'époque du procès de Rennes en 1899. Mon journal. Pour être remis à ma femme. Dimanche 14 avril 1895. Je commence aujourd'hui le journal de ma triste et épouvantable vie. C'est, en effet, à partir d'aujourd'hui seulement que j'ai du papier à ma disposition, papier numéroté et paraffé d'ailleurs, afin que je ne puisse en distraire. Je suis responsable de son emploi. Qu'en ferais-je d'ailleurs? À quoi pourrait-il me servir? À qui le donnerais-je? Qu'ai-je de secret à confier au papier? Autant de questions, autant d'énigmes. J'avais jusqu'à présent le culte de la raison. Je croyais à la logique des choses et des événements. Je croyais enfin à la justice humaine. Tout ce qui était bizarre, extravagant, avait de la peine à entrer dans ma cervelle. Hélas, quel effondrement de toutes mes croyances, de toute ma saine raison. Quels horribles mois je viens de passer, combien de tristes mois m'attendent encore. J'étais décidée à me tuer après mon inique condamnation. Être condamnée pour le crime le plus infâme qu'un homme puisse commettre, sur la foi d'un papier suspect dont l'écriture était imitée ou ressemblait à la mienne, il y avait certes là de quoi désespérer un homme qui place l'honneur au-dessus de tout. Ma chère femme, si dévouée, si courageuse, m'a fait comprendre, dans cette déroute de tout mon être, qu'innocent je n'avais pas le droit de l'abandonner, de déserter volontairement mon poste. J'ai bien senti qu'elle avait raison, que là était mon devoir. Mais d'autre part, j'avais peur. Oui, peur des horribles souffrances morales que j'allais avoir à endurer. Physiquement, je me sentais fort, ma conscience nette et pure me donnait des forces surhumaines. Mais mes tortures physiques et morales ont été pires que ce que j'attendais, même. Et aujourd'hui, je suis brisée de corps et d'âme. J'ai cependant cédé aux instances de ma femme. J'ai donc eu le courage de vivre. J'ai subi d'abord le plus effroyable supplice qu'on puisse infliger à un soldat. Supplice pire que toutes les morts. Puis j'ai suivi pas à pas cet horrible chemin qui m'a mené jusqu'ici en passant par la prison de la santé et le dépôt de l'île de Ré, supportant sans fléchir insultes et cris, mais laissant un lambeau de mon cœur à chaque détour du chemin. Ma conscience me soutenait, ma raison me disait chaque jour, « Enfin la vérité va éclater triomphante. Dans un siècle comme le nôtre, la lumière ne peut tarder à se faire. » Mais hélas, chaque jour apportait une nouvelle déception. Non seulement la lumière ne jaillissait pas, mais on faisait tout pour l'empêcher de se produire. J'étais, je le suis encore, au secret le plus absolu. Ma correspondance lue partout, contrôlée au ministère, souvent non transmise. On m'interdisait même de parler à ma femme des recherches que je lui conseillais de faire. Il m'était impossible de me défendre. Je pensais qu'une fois en exil, je trouverais sinon le repos, je ne saurais en avoir avant que l'honneur me soit rendu. Du moins une certaine tranquillité d'esprit et de vie, me permettant d'attendre le jour de la réhabilitation. Quelle nouvelle et amère déception! Après une traversée de 15 jours dans une cage, je suis restée d'abord en rade des îles du salut pendant 4 jours, sans monter sur le pont par une chaleur torride. Mon cerveau se liquéfiait, tout mon être se fondait dans une désespérance terrible. À mon débarquement, j'ai été enfermée dans une chambre de la maison de détention, les volets clos, avec défense de parler à qui que ce soit, en tête à tête avec mon cerveau, au régime des forçats. Ma correspondance devait être envoyée d'abord à Cayenne. Je ne sais pas encore si elle y est parvenue. Je suis restée ainsi pendant 1 mois, enfermée dans ma chambre, sans sortir, après toutes les fatigues physiques de mon horrible traversée. À plusieurs reprises, je faillis devenir fou. J'eus plusieurs congestions du cerveau, et mon horreur de la vie était telle que j'eus la pensée de ne pas me faire soigner et d'en finir ainsi avec ce martyr. C'eût été la délivrance, la fin de mes maux, puisque je ne me parjurais pas, la mort étant naturelle. Le souvenir de ma femme, mon devoir vis-à-vis de mes enfants, m'ont donné la force de me ressaisir. Je n'ai pas voulu démentir ses efforts, l'abandonner ainsi dans sa mission, la recherche de la vérité du coupable. Aussi fis-je demander le médecin, quelle que fût ma répugnance farouche pour toute figure nouvelle. Enfin, après 30 jours de cette réclusion, on vient de me transporter à l'île du diable, où je jouirais d'un semblant de liberté. Le jour, en effet, je pourrais me promener dans un espace de quelques centaines de mètres carrés, suivi pas à pas par un surveillant. À la nuit tombante, entre 6 heures et 6 heures et demie, je serai enfermé dans un cabanon de 4 mètres carrés, clos par une porte faite de barreaux de fer à claire-voie, devant laquelle les surveillants se relayeront toute la nuit. Un surveillant chef, 5 surveillants sont préposés à ce service et à ma garde. La ration est d'un demi-pain par jour, de 300 grammes de viande, 3 fois par semaine, les autres jours, de l'endobage ou du lard conservé, comme boisson de l'eau. Quelle horrible existence de suspicion continuelle, de surveillance ininterrompue, pour un homme dont l'honneur est aussi haut placé que celui de qui que ce soit au monde. Et puis, toujours pas de nouvelles de ma femme, de mes enfants. Je sais cependant que depuis le 29 mars, c'est-à-dire depuis près de 3 semaines, il y a des lettres pour moi à Cayenne. J'ai fait télégraphier à Cayenne, j'ai fait télégraphier en France pour avoir des nouvelles des miens. Pas de réponse. Ah, que je voudrais vivre jusqu'au jour de la réhabilitation pour hurler mes souffrances, pour dégonfler mon cœur ulcéré. Irais-je jusque-là? J'ai souvent des doutes, tant mon cœur est brisé, tant ma santé est chancelante. Nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril 1895. Impossible de dormir, cette cage devant laquelle se promène le surveillant comme un fantôme qui m'apparaît dans mes rêves, le prurite de toutes les bêtes qui courent sur ma peau, la colère qui gronde dans mon cœur, d'en être là quand on a toujours et partout fait son devoir, tout cela surexcite mes nerfs déjà si ébranlés et chasse le sommeil. Quand passerai-je de nouveau une nuit calme et tranquille? Peut-être pas avant d'être dans la tombe, quand je jouirai du sommeil éternel. Que ce sera bon de ne plus penser à la Villigny, à la lâcheté humaine. La mer que j'entends gronder sous ma lucarne produit toujours sur moi sa fascination étrange. Elle berce mes pensées comme jadis, mais aujourd'hui elles sont bien tristes et sombres. Elle évoque en moi de chers souvenirs, des moments heureux passés auprès de ma femme, de mes enfants adorés. Je retrouve la sensation violente, déjà éprouvée sur le bateau, d'une attirance profonde, presque irrésistible vers la mer, dont les eaux mugissantes semblent m'appeler comme une grande consolatrice. Cette tyrannie de la mer sur moi est violente. Sur le bateau, il me fallait fermer les yeux, évoquer l'image de ma femme pour ne pas y céder, où sont mes beaux rêves de jeunesse, mes aspirations de l'âge mûr. Rien ne vit plus en moi. Mon cerveau s'égare sous l'effort de ma pensée. Quel est le mystère de ce drame? Aujourd'hui encore, je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Être condamné sans preuve tangible sur la foi d'une écriture, quelle que soit l'âme et la conscience d'un homme, n'y a-t-il pas là plus qu'il n'en faut pour le démoraliser? La sensibilité de mes nerfs, après toutes ces tortures, est devenue tellement aiguë que toute impression nouvelle, même extérieure, produit sur moi l'effet d'une blessure profonde. Même nuit, je viens d'essayer de dormir, mais après un assoupissement de quelques minutes, je me réveille avec une fièvre ardente. Et il en est ainsi toutes les nuits depuis 6 mois. Comment mon corps a-t-il pu résister à une telle coïncidence de tourments aussi bien physiques que moraux? Je pense qu'une conscience nette, sûre d'elle-même, donne des forces invincibles. J'ouvre la jalousie qui ferme la lucarne et je contemple encore la mer. Le ciel est chargé de gros nuages, mais la lumière de la lune qui filtre au travers vient iriser certaines parties de la mer et lui donner une teinte argentée. Les vagues se brisent impuissantes au pied des roches qui forment le contour de l'île. C'est un bruissement continu d'eau qui déferle. C'est un rythme brutal et saccadé qui plaît à mon âme ulcérée. Et dans cette nuit, dans ce calme profond, se retracent dans mon esprit les images chéries de ma femme, de mes enfants. Comme ma pauvre Lucie doit souffrir d'un sort aussi immérité, après avoir eu tout pour être heureuse. Et heureuse, elle méritait tant de l'être, par sa profonde droiture, son caractère élevé, son cœur tendre et dévoué. Pauvre, pauvre chère femme, je ne puis penser à elle, aux enfants, sans que tout s'amollisse en moi, sans sangloter, mais aussi il m'inspire mon devoir. Je vais essayer de faire de l'anglais. Peut-être arriverai-je à m'oublier un peu dans le travail. Lundi 15 avril 1895. Pluie torrentielle ce matin. Comme premier déjeuner, rien. Les surveillants ont pitié de moi. Ils me donnent un peu de café noir et de pain. Pendant une éclaircie, je fais le tour de la petite portion de cette petite île qui m'est réservée. Triste île. Quelques bananiers, quelques cocotiers. Un sol aride, d'où émergent partout des roches basaltiques. À 10 heures, on m'apporte les vivres pour la journée. Un morceau de lard conservé, quelques grains de riz, quelques grains de café vert et un peu de cassonade. Je jette tout cela à la mer. Puis je m'évertue à faire du feu. Après quelques tentatives infructueuses, j'y parviens. Je fais chauffer de l'eau pour le thé. Mon déjeuner comprend du pain et du thé. Quelle agonie de toutes mes forces! Quel sacrifice j'ai fait en acceptant de vivre! Rien ne m'aura été épargné, ni torture morale, ni souffrance physique. Oh, cette mer rugissante qui toujours gronde et hurle à mes pieds, quel écho à mon âme! l'écume de la vague qui se brise sur les rochers est d'une blancheur si laiteuse que je voudrais m'y rouler et m'y perdre. Lundi 15 avril, soir. J'allais encore être réduit à dîner avec un morceau de pain, je défaillais. Les surveillants, voyant ma faiblesse physique, me passent un bol de leur bouillon. Puis je fume. Je fume pour calmer et mon cerveau et les tiraillements de mon estomac. Je renouvelle auprès du gouverneur de la Guyane la demande que j'avais déjà formulée il y a 15 jours, de vivre à mes frais en faisant venir des conserves de Cayenne, ainsi que la loi m'y autorise. Et toi, chère femme, à ce moment même, ta pensée répond-elle comme un écho à ma pensée? As-tu la perception de l'horrible martyre que j'endure? Oui, certes. Tu sens tout ce que je souffre d'une situation morale pareille. Quelle idée lancinante, atroce, d'être condamné pour un crime aussi abominable sans y rien comprendre. S'il y a une justice en ce monde, mon honneur doit m'être rendu, et le coupable, le monstre, doit recevoir le châtiment que mérite un pareil crime. Mardi 16 avril 1895. Enfin j'ai pu dormir grâce à un immense épuisement. Ma première pensée en m'éveillant a été pour toi, ma chère et adorée femme. Je me suis demandé ce que tu faisais au même moment. Probablement tu es occupée avec nos chers enfants. Qu'ils soient pour toi une consolation. Qu'ils t'inspirent ton devoir si je succombe avant la fin. Puis je vais couper du bois. Après 2 heures d'effort, suant sang et eau, je parviens à constituer une provision de bois suffisante. À 8 heures, on m'apporte un morceau de viande crue et le pain. J'allume le feu, il finit par prendre. Mais la fumée est rabattue sur moi par la brise de mer. Mes yeux en pleurent. Dès que j'ai des braises en quantité suffisante, je mets ma viande sur quelques bouts de fer amassés de droite et de gauche et je la grille. Je déjeune un peu mieux qu'hier, mais que cette viande est dure et sèche. Quant au menu du dîner, il a été plus simple, du pain et de l'eau. Tous ces efforts m'ont brisé. Vendredi 19 avril 1895. Je n'ai pas écrit ces jours-ci. Tout mon temps a été employé à la lutte pour la vie, car je veux résister jusqu'à la dernière goutte de sang, quels que soient les supplices qu'on m'inflige. Le régime n'a pas varié, on attend toujours des ordres. Aujourd'hui, j'ai fait du bouilli avec la viande, du sel et du piment que j'ai trouvé dans l'île. Cela a duré 3 heures durant lesquelles mes yeux ont horriblement souffert. Quelle misère! Et toujours pas de nouvelles de ma femme, des miens. Les lettres sont donc interceptées. Énervée, je me dis qu'en fendant du bois pour la provision du lendemain, je calmerai mes nerfs. Je vais chercher la hachette à la cuisine. On n'entre pas à la cuisine, interpelle un surveillant. Et je m'en vais sans rien dire, mais sans baisser la tête. Ah, si je pouvais seulement vivre dans mon cabanon, sans jamais en sortir. Mais il faut bien prendre quelque nourriture. J'essaie de temps à autre de faire de l'anglais, des traductions, de m'oublier dans le travail. Mais mon cerveau complètement ébranlé s'y refuse. Au bout d'un quart d'heure, je suis obligée d'y renoncer. Et puis, ce que je trouve d'inouï, d'inhumain, c'est qu'on intercepte toute ma correspondance, qu'on prenne toutes les précautions possibles et imaginables pour empêcher toute évasion. Je le conçois. C'est le droit, je dirais même le devoir strict de l'administration. Mais qu'on m'enterre vivant dans un tombeau, qu'on empêche toute communication, même à lettre ouverte avec ma famille, c'est contraire à toute justice. On se croirait volontiers rejeté de quelques siècles en arrière. Voilà 6 mois que je suis au secret, sans pouvoir aider à me faire rendre mon honneur. Samedi 20 avril 1895, 11 heures, matin. J'ai terminé ma cuisine pour la journée. J'ai coupé ce matin mon morceau de viande en deux. L'un des morceaux a constitué un bouilli, l'autre un beefsteak. Pour faire ce dernier, j'ai fabriqué un grill avec un vieux morceau de tôle ramassé dans l'île, comme boisson de l'eau. Et tout cela fait dans des casseroles de vieilles tôles rouillées, sans rien pour les nettoyer, sans assiette. Il faut que je rassemble tout mon courage pour vivre dans des conditions pareilles, auxquelles il faut ajouter toutes mes tortures morales. Totalement épuisée, je vais m'étendre un peu sur mon lit. Même jour, 2 heures, soir. Dire que dans notre siècle, dans un pays comme la France, imbu des idées de justice et de vérité, il puisse se passer des faits semblables, aussi profondément immérités. J'ai écrit à Monsieur le Président de la République. J'ai écrit au ministre, demandant toujours la recherche de la vérité. On n'a pas le droit de laisser sombrer ainsi l'honneur d'un officier, de sa famille, sans autre preuve qu'une preuve d'écriture, quand un gouvernement possède les moyens d'investigation nécessaires pour faire la lumière. C'est de la justice que je demande, à corps et à cri au nom de mon honneur. J'ai eu tellement faim cet après-midi que pour apaiser les tiraillements de mon estomac, j'ai dévoré cru une dizaine de tomates trouvées dans l'île. Nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 1895. Nuit fiévreuse, j'ai rêvé de toi, ma chère Lucie, de nos chers enfants, comme toutes les nuits d'ailleurs. Comme tu dois souffrir, ma pauvre chérie. Heureusement que nos chers enfants sont encore inconscients, autrement qu'à l'apprentissage de la vie. Quant à moi, quel que soit mon martyre, mon devoir est d'aller jusqu'au bout de mes forces sans faiblir. J'irai. Je viens d'écrire au commandant du Paty pour lui rappeler les deux promesses qu'il m'avait faites après ma condamnation. Premièrement, au nom du ministre, de faire poursuivre les recherches. Deuxièmement, en son nom personnel, de me prévenir dès que la fuite reprendrait au ministère. Le misérable qui a commis ce crime est sur une pente fatale. Il ne peut plus s'arrêter. Dimanche 21 avril 1895. Le commandant supérieur des îles a eu la bonté de m'envoyer ce matin avec la viande deux boîtes de lait concentré. Chaque boîte peut produire environ 3 litres de lait. En buvant 1,5 litre de lait par jour, j'en aurai ainsi pour 4 jours. Je supprime le bouilli que je n'arrivais pas à faire mangeable. J'ai coupé ce matin la viande en 2 tranches. Chacune sera grillée pour le matin et le soir. Et toujours dans les intervalles que me laisse la nécessité de m'occuper de ma vie, je pense à ma chère femme, à tous les miens, à tout ce qu'ils doivent souffrir, pauvre, pauvre chérie. Viendra-t-il bientôt le jour de la justice? Les journées sont longues, les minutes des heures. Je suis incapable d'aucun travail physique sérieux. D'ailleurs, depuis 10 heures du matin jusqu'à 3 heures du soir, la chaleur est telle qu'il devient impossible de sortir. Je ne puis travailler l'anglais toute la journée, mon cerveau s'y refuse, et rien à lire. Enfin, le tête-à-tête perpétuel avec mon cerveau. J'étais en train d'allumer du feu pour faire monter. Le canot arrive de l'île Royale, il faut rentrer dans sa case, c'est la consigne. On craint donc que je communique avec les forçats. Lundi 22 avril 1895. Je me suis levée au petit jour pour laver mon linge et faire sécher ensuite au soleil mes vêtements de drap. Tout moisi ici par suite de ce mélange d'humidité et de chaleur. Ce ne sont que pluies torrentielles et courtes suivies d'une chaleur torride. J'ai demandé hier au commandant des îles 1 ou 2 assiettes de n'importe quoi. Il m'a répondu qu'il n'en possédait pas. Je suis obligée de m'ingénier pour manger soit sur du papier, soit sur de vieilles plaques de tôle ramassées dans l'île. Ce que je mange, ainsi de malpropreté, est inimaginable. Et je résiste toujours, envers et contre tout, pour ma femme, pour mes enfants. Et toujours seule, vivant repliée sur moi-même avec mes pensées. Quel martyr pour un innocent, plus grand certes que celui d'aucun martyr de la chrétienté. Toujours aucune nouvelle des miens, malgré mes demandes réitérées. Voilà 2 mois que je suis sans lettres. J'ai reçu tout à l'heure des légumes secs dans de vieilles boîtes de conserve. En me servant de ces boîtes et en les lavant pour tenter de les transformer en assiettes, je me suis coupé les doigts. Je viens d'être prévenu également que je devrais laver mon linge moi-même. Or, je n'ai rien pour cela. Je me mets à la besogne 2 heures durant, le résultat est médiocre. Le linge aura toujours trempé dans l'eau. Je suis exténuée, pourrais-je dormir? J'en doute. Il y a au moins un tel mélange de faiblesse physique et de nervosité extrême que dès que je suis au lit, les nerfs me dominent, ma pensée se tourne anxieuse vers les miens. Mardi 23 avril 1895. Toujours la lutte pour la vie. Je n'ai jamais autant transpiré que ce matin en allant couper du bois. J'ai simplifié encore mes repas. J'ai fait ce matin une espèce de rata avec le bœuf et les haricots blancs. J'en ai mangé la moitié ce matin, l'autre moitié sera pour ce soir. Cela ne fera qu'une cuisine par jour. Mais cette cuisine, faite dans de vieux ustensiles de tôle rouillée, me donne de violents maux de ventre. Mardi 24 avril 1895. Aujourd'hui, lard conservé, je le jette. Je vais me faire une potée de pois secs. Ce sera ma nourriture de la journée. Tranchée froide, presque continuelle. Jeudi 25 avril 1895. On me remet les boîtes d'allumettes une à une. Je n'ai pas encore compris pourquoi, puisque ce sont des allumettes amorphes. Et je dois toujours présenter la boîte vide. Ce matin, je ne retrouvais pas la boîte vide. D'où scène et menace. J'ai fini par la retrouver dans une poche. Nuit de jeudi à vendredi. Ces nuits sans sommeil sont atroces. Les journées passent encore à peu près, à cause des mille occupations de ma vie matérielle. Je suis en effet obligée de nettoyer ma case, de faire ma cuisine, de chercher et de couper du bois, de laver mon linge. Mais dès que je me couche, si épuisée que je sois, les nerfs reprennent le dessus, le cerveau se met à travailler. Je pense à ma femme, aux souffrances qu'elle doit endurer. Je pense à mes chers petits, à leur gai et insouciant babillement. Vendredi 26 avril 1895. Aujourd'hui, l'art conservé, je le jette. Le commandant des îles vient ensuite et m'apporte du tabac et du thé. Au lieu de thé, j'eusse préféré du lait condensé que j'ai également fait demander à Cayenne, car les coliques ne me quittent pas. On me remet à titre de prêt 4 assiettes plates, 2 creuses, 2 casseroles, mais rien pour mettre dedans. On me remet également les revues que ma femme m'envoie, mais toujours pas de lettres, c'est vraiment trop inhumain. J'écris à ma femme, c'est un de mes rares moments d'accalmie. Je l'exhorte toujours au courage, à l'énergie, car il faut que notre honneur apparaisse à tous sans exception, ce qu'il a toujours été, pur et sans tache. La chaleur terrible vous enlève toute force et toute énergie physique. Samedi 27 avril 1895. À cause de la chaleur qu'il fait, dès 10h du matin, je change mon emploi du temps. Je me lève au jour, 5h30, j'allume le feu pour faire le café ou le thé. Puis je mets les légumes secs sur le feu, ensuite je fais mon lit, ma chambre et ma toilette sommaire. À 8h, on m'apporte la ration du jour, je termine la cuisson des légumes secs. Les jours de viande, je fais ensuite cuire celle-ci. Toute ma cuisine est ainsi terminée vers 10h. Car je mange froid le soir ce qui me reste du repas du matin, ne me souciant pas de passer encore 3 heures devant le feu dans l'après-midi. À 10h, je déjeune, je lis, je travaille, je rêve et souffre surtout jusqu'à 3h. Je fais alors ma toilette à fond. Puis, dès que la chaleur est tombée, c'est-à-dire vers 5h, je vais couper du bois, chercher de l'eau au puits, laver le linge, etc. À 6h, je mange froid ce qui reste du déjeuner, puis on m'enferme. C'est le moment le plus long. Je n'ai pas obtenu qu'on me donne une lampe dans mon cabanon. Il y a bien un fanal dans le poste qui me garde, mais la lumière est trop faible pour que je puisse travailler longtemps. J'en suis donc réduit à me coucher, et c'est alors que mon cerveau se met à travailler, que toutes mes pensées se tournent vers l'affreux drame dont je suis la victime, que tous mes souvenirs vont à ma femme, à mes enfants, à tous ceux qui me sont chers, comme ils doivent tous également souffrir. Dimanche 28 avril 1895. Le vent souffle en tempête. Les rafales qui se succèdent ébranlent tout et produisent une sonorité violente, un heurt de choses qui s'entrechoquent. Comme c'est bien parfois l'état de mon âme en ces emportements violents, je voudrais être fort et puissant, comme le vent qui secoue les arbres à les déraciner, pour écarter tous les obstacles qui barrent le chemin de la vérité. Je voudrais hurler toutes mes souffrances, crier les révoltes de mon cœur contre l'ignominie qu'on a déversée sur un innocent, sur les siens. Ah, quel châtiment ne méritera pas celui qui a commis ce crime, criminel envers son pays, envers un innocent, envers toute une famille livrée au désespoir. Cet homme doit être quelque chose de hors nature. J'ai appris aujourd'hui à nettoyer les ustensiles de cuisine. Jusqu'ici, je les nettoyais simplement avec de l'eau chaude, en employant mes mouchoirs en guise de torchon. Malgré tout, ils restaient sales et gras. J'ai pensé à la cendre qui contient une forte proportion de potasse. Cela m'a admirablement réussi, mais dans quel état sont mes mains et mes mouchoirs? Je viens d'être prévenu que jusqu'à nouvel ordre, mon linge serait lavé à l'hôpital. C'est heureux, car je transpire tellement que mes flanelles sont complètement imbibées et ont besoin d'un lavage sérieux. Espérons que ce provisoire deviendra définitif. Même journée, 7h du soir. J'ai beaucoup pensé à toi, ma chère femme, à nos enfants. La journée de dimanche, nous la passions en effet tout entière ensemble. Aussi le temps a-t-il coulé lentement, bien lentement, mes pensées s'assombrissant au fur et à mesure que la journée s'avançait. Lundi 29 avril, 10h matin. Jamais je n'ai été aussi fatiguée que ce matin. J'ai dû faire plusieurs corvées d'eau et de bois. Avec cela, le déjeuner qui m'attend se compose de vieux haricots, sur le feu depuis 4 heures déjà et qui ne veulent pas cuire, d'un peu d'endobage et comme boisson de l'eau. Malgré toute mon énergie morale, les forces me manqueront si ce régime dure longtemps, surtout sous un climat aussi débilitant. Midi. Je viens d'essayer en vain de dormir un peu. Je suis épuisée de fatigue. Mais dès que je suis couchée, toutes mes tristesses me reviennent à la mémoire, tant l'amertume d'un sort aussi immérité me monte du cœur aux lèvres. Les nerfs sont trop tendus pour que je puisse jouir d'un sommeil réparateur. Il fait avec cela un temps d'orage. Le ciel est couvert, la chaleur lourde et étouffante. On voudrait voir tomber des nuées pour rafraîchir cette atmosphère éternellement doucereuse. La mer est d'un vert glauque. Les lames semblent lourdes et massives, comme se concentrant pour un grand bouleversement. Comme la mort serait préférable à cette agonie lente, à ce martyr moral de tous les instants. Mais je n'ai pas ce droit, Lucie, pour mes enfants. Je suis obligée de lutter jusqu'à la limite de mes forces.